إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on est arrivé au cours numéro 29. Tayyib, aujourd'hui, dans notre dars sur Al-Aqidat al-Wasitiya, on va entrer dans un nouveau chapitre qui est Al-Iman bil-Qadar, wa bayanu ma yatadammanuhu, c'est-à-dire la foi en Al-Qada ou Al-Qadar, et qu'est-ce que ça implique, c'est-à-dire la prédestination, et l'explication de qu'est-ce que ça comprend, yani, qu'est-ce que ça inclut, yani, de croire en Al-Qada ou Al-Qadar, et on va expliquer ça en détail, Inch'Allah. Et on ne peut pas terminer ce chapitre, bien ce sujet-là, en un seul cours, parce que le Cheikh, il explique vraiment d'une façon plus détaillée, donc d'après moi, ça va encore durer jusqu'à la semaine prochaine. Donc on va commencer, le Cheikh dit, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. Ça veut dire que الفرقة الناجية, c'est-à-dire le groupe qui est sauvé, c'est le groupe qui est mentionné dans le hadith des 93 sectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 73 sectes, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette umma va se diviser en 73 groupes, et un seul sera au paradis, hein, les 72 autres seront en enfer. Et quand les sahaba ont demandé lequel d'entre ces groupes-là allait être les groupes sauvés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est le groupe qui a suivi ma sunna et la sunna de mes sahaba. Hein. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire celui qui suit ce que je suis moi aujourd'hui ainsi que mes sahaba. Donc ce groupe-là, le groupe qui suit ça, qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba, c'est le groupe sauvé. On l'appelle Al-Firqatun Najiyah. Et c'est le groupe que tous les musulmans doivent tenter et chercher à suivre. C'est ce groupe-là qui est garanti le paradis. D'accord? Ensuite, Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est un autre nom pour ce groupe-là. C'est-à-dire le groupe qui est sur la Sunna et qui est sur la Jama'a, c'est-à-dire qui sont réunis sur Al-Haq. Ensuite, le Cheikh il dit, ce groupe-là, parmi les choses en lesquelles il croit, il y a Al-Qada ou Al-Qadar, ou bien Al-Qadar, Khayrihi wa Sharri, c'est-à-dire la prédestination, et qu'est-ce que ça implique de bien ou de mal. Et le Cheikh il dit والإيمان بالقدر على درجتين, la foi en Al-Qadar elle a deux niveaux et chacun de ces niveaux-là elle a deux aspects. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il fait le Cheikh, comme on a déjà expliqué plusieurs fois que l'Iman بالقدر, la foi en Al-Qadar, c'est de croire en quatre points, hein, العلم والكتابة والمشيئة والخلق. Hein, ça c'est les quatre points qui résument la foi en la prédestination ou en Al-Qadar. Toutefois, les cheikhs les divisent lui en deux points, deux points, puis dans chaque point il y a deux aspects, donc ça fait les quatre. Hein, c'est ça la différence. Sheikh al-Islam, il les divise en deux, puis il met les deux dans un, il y a dans une des catégories il met deux, et dans l'autre il met deux encore, ça fait quatre. D'accord? Bon, maintenant on va lire l'explication du Sheikh à ce sujet-là. Le Sheikh al-Fawzan, il dit, al-Sharh, القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته وإرادته لها أزلا قبل وجودها فلا حادث إلا قد قدره الله أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh dit que al-qadar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient, c'est comme si tu dis, ça vient de qadar tu shay. C'est-à-dire j'ai déterminé une chose, c'est comme si j'ai compris toute sa quantité, sa valeur, tu l'as bien disons déterminé. Cette chose-là. Et al-murad bihi huna, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'aqida? Parce que ça, c'est la définition dans la langue arabe. Toutefois, quand on parle de la religion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute chose a un lien avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toute chose et tout ce qui se produit dans sa création. C'est selon sa volonté, et ça c'est quelque chose qui a toujours été, et qui va toujours être. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a éternellement eu la connaissance de ce qui se passe, et de ce qui va se passer, et de ce qui s'est passé, et il va toujours avoir cette connaissance-là. Quand on dit azalan, ça veut dire éternellement. Ok? Et donc, Allah a toujours su éternellement ce qui allait arriver aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc, il n'y a aucun événement qui se produit dans l'univers, excepté que c'est par sa connaissance et par sa volonté. Et il n'y a aucun événement qui se produit, excepté que ce soit par sa prédestination, qu'est-ce qu'il a déterminé et destiné. C'est-à-dire que il avait une connaissance préalable de cette chose-là, et en même temps, c'était relié à sa volonté. C'était relié à sa volonté. Et le cheikh, il dit que la foi en Al-Qadr, c'est un des piliers parmi les six piliers de la foi. Ça, on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, et même au début de ce livre-là, on en a parlé. Et le cheikh, il dit que Al-Iman, c'est-à-dire qu'on doit croire en Al-Qadr, la prédestination, sont le bien et le mal de la prédestination. Maintenant, on explique un autre paragraphe. Le cheikh dit, wa fi qawli al-shaykh rahimahullah, tu'minu al-firqatu al-najiyah, ahlu al-sunnah wal-jama'a bil-qadri khayrihi wa sharrihi, isharatun ila anna man lam yu'min bil-qadr, falaysa min ahli al-sunnah wal-jama'a. وهذا هو مقتضى النصوص كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن كما لو لم يؤمن بغير أركان الإيمان كما لو لم يؤمن بغيره من أركان الإيمان. Le cheikh dit que lorsque le cheikh de l'islam dit que le groupe sauvé croit en la prédestination, qu'est-ce qu'il y a de bien et de mal là-dedans, c'est pour expliquer en même temps que celui qui ne croit pas en la prédestination ne fait pas partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et c'est ce qu'impliquent les textes du Coran et de la Sunnah. Dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Jibril, lorsqu'il est venu, il lui a demandé qu'est-ce que c'est Al-Iman, hein, c'est quoi la foi. On a fait un cours sur ça dans les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha. On a parlé du hadith de Jibril en détail. Eh ben, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ça en disant que la foi, l'iman, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, le bien et le mal de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait de la prédestination, al-qadar, le sixième parmi les piliers de la foi. Celui qui le renie, celui qui refuse de croire à ce pilier-là, il n'est pas croyant. Laysa bimu'min. Ok? Même s'il croit aux autres piliers de la foi. C'est-à-dire, il faut qu'il croit en tous les piliers de la foi, et celui-là inclus. Sinon, il n'est pas mu'min. Ensuite, j'ai dit, wa qawluhu wal imanu bil qadari ala darajatayn ila akhiri, ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب وهي إجمالا كما يلي: الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها، والثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، والثالثة مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث، والرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه خالق وما سواه مخلوق، وهذا مجمل مراتب القدر وإليك بيانها بالتفصيل. Donc le cheikh dit que lorsque le cheikh dit que la foi en al-qadr est à deux niveaux, et il dit que chacun de ces deux niveaux-là a deux aspects, eh ben le cheikh il explique que ce sont les quatre degrés ou les quatre conditions pour avoir la foi accepte ou une foi correcte en la prédestination, et il les résume par une courte introduction ou explication. Il dit que le premier pilier ou bien le premier point dans ces quatre points là, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance éternelle de tout ce qui se produit. Et donc, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'est-ce que les êtres humains font avant même qu'ils fassent ces actions-là. Deuxièmement, que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit ce qui se produit dans al-lawh al-mahfouz. C'est-à-dire, il a tout écrit ce qui se produit dans les tables préservées, hein, qui sont avec lui au-delà du trône. Mashi'atuhu shamila, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit, c'est dans sa volonté, selon sa volonté. Il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers, que ce soit bien ou mal, excepté si c'est par la volonté et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa puissance totale, et complète de chaque événement qui se produit. D'accord, il n'y a rien qui sort de sa volonté. Quatrièmement, c'est que tout ce qui existe dans la création, c'est sa créature. Et donc, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, et tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est créé, et c'est sa créature. D'accord, que ce soit bien ou que ce soit mal, que ce soit positif ou négatif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Ok, et il n'y a rien qui sort de sa création. C'est soit que c'est Allah ou sa création. Il n'y a rien en dehors de ça qui est créé par autre que Allah. D'accord, ça c'est les quatre principes de base pour dire qu'on a compris et qu'on a cru en al-qada ou al-qadar. Si on n'affirme pas ces quatre points-là, ou un d'entre ces quatre, on n'a pas cru comme il faut en al-qada ou al-qadar. Il faut absolument croire en ces quatre choses. D'accord. Et les gens de Bid'ah, ils ont dévié dans un de ces quatre, ou bien dans deux de ces quatre-là, ou plus. Hein? Les gens de Bid'ah qui ont dévié dans le qadar, c'est parce qu'ils ont nié une de ces quatre-là, ou plus qu'une de ces quatre-là. D'accord. Mais ils les ont peut-être pas nié toutes au complet, mais ils en ont nié peut-être une ou plus. D'accord. Maintenant, le chef, il dit que on va expliquer chacun de ces points en détail maintenant. Ok, donc on continue maintenant à lire le texte de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui explique le premier et le deuxième de ces degrés-là, c'est-à-dire al-ilm wa al-kitaba, la connaissance et le fait que Allah a tout écrit. Ça c'est le niveau 1 qui comprend ces deux points-là. Cheikh dit tafsil maratib al-qadr al-darajat al-ula wa ma tatadammanuhu. Maintenant, on explique le premier point. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. أوكي. فأول ما خلق الله القلم. قال له اكتب. قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعلمه وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم. donc ça c'est l'explication du premier degré. On va le traduire et après on va lire les explications du Cheikh Fawzan à ce sujet là. Donc le premier niveau, le Cheikh il explique premièrement que il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de tout ce que ses créatures font comme action. Et il le connaît éternellement. Hein? C'est sa connaissance éternelle. Du fait que cette connaissance-là, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Ok? Et donc il a toujours eu cette connaissance et il le connaît toujours. Et il connaît tous les aspects et les états de ces créatures, que ce soit leurs adorations, leurs péchés, leur désobéissance, leur subsistance et leur terme, c'est-à-dire jusqu'à quand ils vont vivre et tout. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, il l'a déterminé. Et le Cheikh dit, ثم كتب, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit dans les tables préservées la prédestination de toutes les créatures. Et la première chose que Allah a créée, c'est la plume. Hein? Il a créé la plume et il a commandé la plume d'écrire. Il a dit Oktub. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a dit, et qu'est-ce que je vais écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, écris tout ce qui va se produire jusqu'au jugement dernier. Et donc, tout avait été écrit. Et ça, c'est 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. D'accord? Donc, tout ce qui se passe est écrit dans un livre préservé. Et le Cheikh, il dit, ok, ce qui atteint l'être humain ne peut pas le manquer. C'est-à-dire, si quelque chose t'a atteint aujourd'hui, ou bien t'est arrivé quelque chose aujourd'hui, eh bien, ça devait arriver, ça pouvait pas s'échapper de toi. ça devait absolument t'arriver. Tu ne pouvais pas t'en échapper, c'est ça ce que ça veut dire. Si quelque chose t'arrive, eh bien, tu ne pouvais pas t'en échapper. Tu pouvais, ça ne pouvait pas te manquer. Et si quelque chose t'a manqué, c'est parce que ça ne pouvait pas t'atteindre et ça ne devait pas t'atteindre. Donc ça veut dire que tout est prédestiné. Ça c'est comme dans le hadith. Ma asabak falam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Ça c'est dans le hadith d'Ibn Abbas, hein, quand il était sur la monture avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ya ghulam inni u'allimuka kalimat fahfazha. Il lui a enseigné ces paroles-là. Parmi les paroles qu'il lui a enseignées, il y avait ça dedans. Et il est dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths. D'accord? Donc, ensuite, le cheikh, il dit quoi? Il dit que la plume a séché, l'encre de la plume a séché et les pages ont été fermées. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui a été écrit, c'est ça ce qui va se passer. Ça y est. Donc, ensuite, le cheikh il mentionne des versets dans le Coran qui montrent la foi en Al-Qadar et en ces aspects-là qu'on a mentionnés. Premièrement, il mentionne un verset dans Sourate Al-Hajj, le verset 70, qui dit « Ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que ça c'est dans un livre, et que ça c'est facile pour Allah. Hein? » Donc ça veut dire, il y a les deux points là-dedans, la connaissance d'Allah, ensuite que Allah l'a écrit, et que ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tandis que nous, pour les êtres humains, on n'est pas capable de comprendre ces choses-là. C'est tellement grand qu'on n'arrive pas à les saisir. Après, le cheikh il mentionne un deuxième verset qui prouve encore la foi en ces aspects-là dont on a parlé, et il mentionne le verset 22 dans Surat al-Hadid. Surat al-Hadid, ça dit « Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. » Donc, ce qui t'a, si nul ou bien nul malheur ne vous atteint, ou bien n'atteint la terre, ou ne vous atteint en vous-même ou sur la terre, excepté que ce soit dans un livre. C'est-à-dire, accepter que c'est déjà écrit dans un livre, avant même de l'avoir créé. Avant même d'avoir créé. Min qabli an nabra'aha. Donc, ça veut dire, avant même qu'il l'ait créé. Et ça, c'est facile pour Allah. Encore une fois, il répète que c'est facile pour lui. Et le cheikh dit, ça, c'est une prédestination qui est disons, globale, générale. D'accord? Elle englobe tout. Et il y a également une autre prédestination, ou bien une autre prédestination dans le sens que ça c'est, qu'est-ce qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, c'est qu'est-ce qui est écrit sur tout qu'est-ce qui se produit dans l'univers en entier, c'est général. Tandis qu'il y a un autre livre qui est plus, disons, spécifique, et c'est la prédestination que l'ange écrit lorsqu'elle vient dans le ventre de la mère pour souffler l'âme dans le bébé ou le fœtus, Allah subhanahu wa ta'ala lui commande de d'écrire quatre choses. Et ces quatre choses-là, c'est d'écrire sa subsistance, son risque, d'écrire son terme, quand est-ce qu'il va mourir, combien de temps il va vivre, d'écrire ses actions, qu'est-ce qu'il va faire comme action, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, et etc. Donc ça c'est des choses qui sont prédestinées, de façon plus spécifique, écrites avec le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de la mère. Et le cheikh dit « وَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَالَ يُنْكِرُهُ غُلَاتَ الْقَدَرِيَةَ » Les extrémistes parmi les gens de la secte des Qadariyya qui nient la prédestination, ils niaient cette détermination-là ou bien cette prédestination-là. Toutefois, il dit le cheikh que ceux qui le nient aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque de Ibn Taymiyyah, sont peu nombreux. Et ça, c'était des extrémistes, autant des Qadariyya qui niaient la connaissance et l'écriture. Toutefois, les Mubtadi'a, parmi les Qadariyya qui sont venus plus tard, eux, ils reconnaissent les deux premiers, al-ilm wa al-kitab, la connaissance et l'écriture, mais ils nient des fois les deux autres. Ils nient la volonté et ils nient la création, ou un des deux. D'accord? Et on va revenir à ça. Donc, le cheikh, il dit, dans l'explication maintenant, cheikh al-Fawzan, il dit, « وَقَوْلُهُ أَزَلًا الْأَزَلَ الْقِدَمَ الَّذِي لَا بِدَيَةَ لَهُ وَقَوْلُهُ أَبَدًا الْأَبَدْ هُوَ الدَّوَامِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي لَا نِهَايَةَ لَهُ » Le cheikh, il dit que « أَزَلًا » ça veut dire l'éternité qui n'a pas de début. Ok, donc l'azal, ça a rapport à qu'est-ce qui a passé, hein, dans le passé, en arrière. Et donc, c'est l'éternité, mais pour qu'est-ce qui est dans le passé. Et al-abad, c'est l'éternité, mais pour qu'est-ce qui est dans l'avenir. D'accord? Donc, c'est deux termes pour expliquer l'éternité du passé et de l'avenir. Et ensuite, le chef dit, et les obéissances à ta'at, quand le chef mentionne que tout est prédestiné et qu'il fait même nos ta'at, c'est-à-dire nos obéissances, c'est-à-dire, oui, c'est ça, les choses qui sont en accord avec le commandement d'Allah, qui sont en accord avec les ordres d'Allah. Wal ma'asi, jam'u ma'asiyah, wa hiya mukhalafatul amr. Al ma'asi en arabe, c'est le pluriel de ma'asiyah, et ma'asiyah, c'est de désobéir à l'ordre, ou de faire le contraire, contredire l'ordre d'Allah. Wal arzaq, jam'u risq, wa huwa ma yanfa. Le risque, ici le mot c'est arzak, c'est au pluriel, le singulier c'est risque, et ça veut dire ce qui est bénéfique. Ce qui est bon, ce qui est bénéfique, c'est ta subsistance. Qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme bien, comme argent, comme nourriture, comme connaissance, comme, et tout ce que tu peux avoir comme, subsistance dans ta vie et comme bien dans ta vie. Wal ajal, jam'u ajal, wa huwa muddatu shay. Donc, al-ajal, c'est le pluriel de ajal, et ça veut dire la période d'une chose où ça a duré. Wa ajalu l'insan nihayatu waqtihi fi dunya bil maut. Et le terme de l'être humain, ou la durée de l'être humain, c'est quand est-ce que sa vie va terminer, et à quel moment elle va terminer sa vie, par là, quand il va mourir, dans la dunya. Wa lawh al-mahfouz huwa umm al-kitab. ومحفوظ من الزيادة والنقصان فيه اللوح المحفوظ l'étable préservée c'est le livre mère أم الكتاب on l'appelle en arabe أم الكتاب le livre mère c'est le livre où toute chose est écrite et pourquoi on l'appelle محفوظ parce qu'on peut rien ajouter dedans ni enlever c'est pour ça qu'on l'appelle محفوظ ça veut dire préservé Non. Qu'est-ce qui est écrit dans, qu'est-ce que l'ange vient écrire dans le, quand le bébé est dans le ventre de la mère, c'est une partie de ce qui est écrit dans l'étable préservée. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit, وذكر الشيخ هنا ما تتضمنه الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقدر. Donc le chef ici il explique qu'est-ce qu'il va expliquer qu'est-ce qui est impliqué par le premier niveau, hein, c'est-à-dire les deux premières questions ou les deux premiers points ou conditions de la foi en la prédestination al-qadar. Le chef il dit وأنها تتضمن شيئين أي مرتبتين. C'est-à-dire ça implique deux choses ce premier niveau là. Et c'est la connaissance et le fait qu'Allah a tout écrit. Et là, on va rentrer dans la question en un peu plus de détails, inshallah. Le cheikh il dit, al-martabatu al-ula, al-iman bi-ilmi Allah al-muhit bi-kulli shay, min al-mawjoudat wal-ma'doumat. هذا العلم الذي هو صفة من صفاته تعالى الذاتية لا تزال التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي وعلمه بأحوالهم من الأرزاق والأجال وغيرها. Donc on l'a expliqué, ça c'est le premier niveau, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire qu'il connaît tout et que sa connaissance englobe toute chose, de tout ce qui est, de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. Hein? Allah connaît tout ce qui existe et il connaît tout ce qui n'existe pas. Si ça existait, comment serait cette chose si elle existait, hein? Donc même qu'est-ce qui n'existe pas, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît parfaitement et c'est une de ses caractéristiques et de ses attributs qui font partie de son être, qui font partie de lui-même. Et il ne s'en sépare jamais de cet attribut-là. Il ne peut pas se séparer de cet attribut-là parce qu'elle fait partie de lui éternellement. Hein? C'est pas comme ses attributs de ses actions et qui sont reliés à sa volonté. Il le fait quand il veut et quand il veut pas, il le fait pas. C'est un attribut qui est relié à lui. Fait partie de son être, il a cet attribut-là et ça fait partie de lui. Il ne peut pas s'en séparer. وَمِنْ ذَلِكَ عِلْمُهُ, hein, le fait qu'il connaît également, qu'il connaît les actions de ses créatures et ses, leur obéissance et leur désobéissance et leurs états et leur leur subsistance et leur terme, toutes ces affaires-là font partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فيما فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه. Le deuxième degré c'est que Allah سبحانه وتعالى a tout écrit et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le table préservé les prédestinations de la destinée de tout ce qui va se produire dans l'univers. Et que tout ce qui arrive, Allah l'a su et il l'a écrit avant même que cette chose-là existe. Et le cheikh il dit ensuite, ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذي ذكر الشيخ معناه ولفظه كما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. شيخ الزي puis ensuite le cheikh Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné les preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna et parmi les preuves de la Sunna que le cheikh a mentionné il y a le hadith dont il a mentionné la signification et les mots qui sont utilisés dans le hadith qui est rapporté selon Abu Dawood dans son Sunan, selon Ubada ibn Samit, un des Sahaba, qui a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est al-qalam, la plume. Et il a commandé à cette plume d'écrire, et elle a dit qu'est-ce que je dois écrire et il a répondu, écrit la destinée de toutes les choses jusqu'au jugement dernier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, le cheikh dit que ce hadith prouve qu'il faut croire que Allah a tout écrit et que ça prouve ce niveau-là ou ce degré-là de la foi en la prédestination et que tout ce qui se passe et tout ce qui a été prédestiné dans l'univers est écrit. C'est pour ça que les gens ont dit souvent « Ah, hada maktoub, hada maktoub, hein ». Les gens disent toujours « Ah, ça c'est le maktoub », c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est écrit. Parce que ça fait partie des aspects de la foi en la prédestination que de croire en, que tout ce qui se produit est écrit dans un livre, d'accord? Mais peut-être juste à ce sujet-là, des fois, il y a des choses qui se produisent dans notre vie, et puis il y a des gens qui mettent plus de, disons, ils mettent plus de comment je pourrais dire, de plus d'importance ou de concentration sur le maktoub dans certaines choses que dans d'autres. Comme si, comme par exemple, j'ai remarqué, si c'est une question qui a rapport avec le mariage, par exemple, là, tout de suite, les gens disent, ah, ça c'est le maktoub. Mais, hein, mais si c'est un autre sujet, les gens, on dirait, ils n'ont pas l'habitude de mentionner le maktoub pour d'autres choses que le mariage. C'est, on dirait que c'est quelque chose comme, ils s'en souviennent, en particulier quand c'est question de mariage, d'accord? Alors qu'en réalité, tout ce qui se produit dans l'univers est dans le maktoub, c'est-à-dire rentre dans qu'est-ce qui est écrit. C'est pas seulement le mariage. Et les gens utilisent ça parfois comme une excuse, et comme un prétexte pour faire des choses qui sont contraires à l'islam et qu'ils disent ça c'est dans le maktoub, hein, comme les Jabriya qui disent qu'on n'a pas de volonté, qu'on n'a pas de pouvoir par nous-mêmes, tout est écrit et donc on est comme s'ils utilisent ça comme un prétexte pour désobéir ou faire des choses contraires à l'islam. Donc supposons que moi j'ai une fille, ok, je suis un musulman, j'ai une fille, et là il y a un homme qui vient pour demander ma fille en mariage, il a un diplôme, il a de l'argent, il a une bonne voiture, mais il fait pas la sala, hein, il boit de l'alcool, et puis il respecte pas les règles de l'islam. Et puis après, quand il vient, un autre vient, mais lui, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas un diplôme, hein, et puis, mais il travaille bien, il a quand même suffisamment d'argent pour se marier, pour vivre normal, et puis, yani, disons que il respecte les règles de sa religion, et il vient pour demander sa fille. Lui, il veut donner sa fille à celui qui a de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il dit à l'autre qui pratique sa religion mais qui n'a pas beaucoup d'argent et qui n'a pas de diplôme? Et il dit, ah, c'est le maktoub. Je donne ma fille à l'autre qui a de l'argent, ça c'est le maktoub. Hein? Donc ça c'est comme s'il prétend lui qu'il connaît qu'est-ce qui est dans la prédestination. Il connaît qu'est-ce qui est écrit dans l'Lawh al-Mahfouz ou bien dans la destinée. Hein? Parce que la chose ne s'est pas produite encore. C'est-à-dire, le mariage n'a pas eu lieu. Et non seulement ça, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a commandé de respecter certaines règles dans le choix de la personne qu'on donne en mariage à notre fille. Il nous a dit de voir la religion en premier. Il nous a commandé de faire ça. Il a dit, prends celle qui a la religion. Et il a dit, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Si quelqu'un vient et qu'il est correct dans sa religion et dans son comportement, mariez-le. وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Sinon, il va y avoir de la fitna, de la tentation sur la terre et beaucoup de désordre et beaucoup de problèmes sur la terre. Donc là. Également, pour la femme, il a dit, et donc, beaucoup de règles comme ça qu'on doit respecter. On peut pas juste prendre l'excuse du qadar ou du maktoub pour se permettre de donner sa fille à un fasiq. Ou bien pour un homme qui est mustaqim, qui va épouser, un homme qui est sur le droit chemin, qui suit l'islam et la sunna, et puis qui va épouser n'importe quelle femme qui porte pas le hijab ou bien qui a des vies de droit chemin, des exemples comme ça. C'est pour ça que souvent les gens utilisent ça comme une excuse, et c'est exactement cette excuse-là que certains des mouchriquins utilisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il disait, « قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ » Il disait ça. Et si Allah voulait, on n'aurait pas fait le shirk ni nos ancêtres. Hein. C'est une choubha qu'ils utilisent pour dire que, yani pour essayer de blâmer, hein, ou de mettre la responsabilité de leur mécréance et de leur idolâtrie sur la prédestination. Alors qu'Allah a envoyé des livres et des messagers pour avertir les gens contre le shirk et pour leur dire que ça, Allah ne le veut pas, il ne l'aime pas et qu'il ne faut pas le faire. Hein. Et eux, par la suite, ils disent, mais c'est parce qu'Allah il a voulu. Non, c'est parce qu'eux, ils ont voulu. Ils n'ont pas voulu soumettre leur âme et leur cœur à la vérité que les messagers ont amenée. Et ils savent que la volonté d'Allah, hein, et parce que c'est ça, il y a la volonté, l'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya, la volonté qui a rapport avec la création, qui est universelle, qui n'a pas rapport avec ce qu'Allah aime ou déteste, tout ce qui se produit rentre dans cette volonté-là, dans l'univers, que ce soit bon ou mauvais, mais il y a l'irada al-shar'iya, la volonté qui a rapport avec sa révélation et qui nous fait savoir dans ce, par ça qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et eux, ils ne font pas la différence entre ça. Donc, ils utilisent cette choubha pour essayer de dire « Ah, ça c'est le maktoub, mais c'est un prétexte. Comment tu peux savoir que c'est le maktoub ?» Quelqu'un, il te refuse sa fille, par exemple, pour des raisons futiles, ou bien des raisons qui ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna, et puis il te dit « Ah, ça c'est le maktoub. » Ça c'est quelqu'un qui utilise la foi en Al-Qadar à la manière des mushrikin, comme les Jabriya. D'accord? Et ça c'est juste un exemple. Comme ça, il y en a beaucoup d'autres, on va en donner d'autres quand on va arriver à ce point-là, Inch'Allah. Donc le Cheikh il dit وقوله أول ما خلق الله الخلق قال له اكتب روي بنصب أول والقلم على أن الكلام جملة واحدة معناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب وروي برفع أول والقلم على أن الكلام جملتان الأول الأولى أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب وجملة ثانية فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. Donc le Cheikh il explique maintenant la signification du hadith d'une façon plus détaillée sur le plan de la grammaire. Et il dit que il y a deux possibilités de la signification sur le plan grammatical quand on analyse la parole dans ce hadith-là. C'est soit que ça veut dire la première chose qu'Allah a créée était la plume, ou bien que ça veut dire au tout début quand Allah a créé la plume, il lui a dit d'écrire. Ou bien, vous comprenez la différence entre les deux. Awwalama, soit c'est awwala avec le fatha sur awwal, ou bien c'est avec le dhamma. Si c'est, dhamma pour dire avec le raf. Si c'est avec le fatha, ça veut dire au tout début quand Allah a créé la plume, il lui a dit d'écrire. Et si c'est avec le dhamma, ça veut dire la première chose qu'Allah a créée, c'était la plume. Les deux significations sont, disons, acceptables. Il n'y a rien de. Les deux sont valables, disons. Mais c'est juste pour montrer que il peut être, la phrase peut être comprise, ou le hadith peut être compris de deux façons, selon comment on analyse la phrase. Mais les deux significations, si on les prend, on voit que les deux significations sont valables. Le Cheikh, il dit. وقوله ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه إلى آخره من كلام عبادة بن الصامت راوي الحديث أي ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه لا بد أن يقع به ولا يقع به خلافه وقوله جفت الأقلام وطويت الصحف كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها وهو معنى ما جاء في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. Donc le cheikh il dit ici que ce qui atteint l'homme ne peut pas le manquer jusqu'à la fin de cette partie-là. Qu'est-ce que ça signifie dans les paroles du cheikh? C'est les paroles de Ubadah ibn Samit, celui qui rapporte le hadith qu'on a mentionné, et il dit que ça veut dire que ce qui atteint l'homme, que ce soit un bien ou un mal, ça fait partie de ce que Allah a prédestiné pour lui. Et il faut absolument que ça se produise, et le contraire ou autre que ça ne peut pas se produire. Et quand le hadith dit, ou bien quand le cheikh a mentionné les paroles du hadith dans leur signification, et la plume a séché, et les pages ont été fermées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui a été écrit, la prédestination a été écrite et on en a terminé. Ça y est, c'est fini, la prédestination a été écrite, le livre est fermé et c'est fini. On ne va plus ajouter rien et enlever rien dans ce livre. Ensuite, il dit que ça c'est les paroles de la signification des paroles de Ibn Abbas dans le hadith, qui dit que la plume a été soulevée et les pages ont séché, et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم الاستفهام للتقدير أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض فيه إحاطة علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي وهذه مرتبة العلم إن ذلك أي الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب أي مكتوب عنده في أم الكتاب وهذه مرتبة الكتابة إن ذلك على الله يسير أي إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته يسير عليه. الشيخ يكسليك يذكر le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné comme parmi les preuves pour la prédestination ce verset dans le Coran qui dit « Ne sais-tu pas que Allah sait qu'est-ce qui est dans les cieux et sur la terre et que tout ça c'est dans un livre et que ça c'est facile pour Allah ?» Et donc, le cheikh dit que « Alam ta'alam » c'est une question qui en réalité pour dire tu as su certainement au Muhammad, hein, parce que le verset s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la Ummah également, à la Ummah aussi. N'as-tu pas su au Muhammad, hein, tu as certes su et tu as certes eu la compréhension et la connaissance certaine que Allah sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Et que, donc il dit ça, ça montre que Allah a envelopper toute chose de sa connaissance dans les cieux et sur la terre, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous et qu'est-ce qui se passe en dessous de nous, tout ça Allah il en a une parfaite connaissance, et tout ça fait partie des connaissances d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a préservé et qu'il a mis dans un livre, dans Lawh al-Mahfouz comme on a dit. Et donc ça c'est les degrés 1 et les degrés 2 dans la foi à la prédestination, et que ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit « والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ وهذا هو ما تتضمنه الدرجة الأولى. » Il dit la preuve ou le point qu'on veut tirer de ce hadith, c'est la connaissance complète d'Allah de toutes choses, et le fait que Allah a tout écrit ces choses-là dans les tables préservées. Et ça c'est le niveau 1. واستدل الشيخ ايضا بقوله ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير وما أصاب من مصيب ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط ومطر وضعف ونبات ونقص ونقص وضعف نبات ونقص ثمار ولا في أنفسكم بالآلام والأسقام وضيق العيش إلا في كتاب أي إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها إن ذلك على الله يسير أي إن أن إثباتها في الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه وتعالى. Donc le chef il a également utilisé comme preuve le verset dans Sourate al-Hadid qu'on a lu tout à l'heure qui disait que rien de ce qui atteint la terre ou bien qu'est-ce qui nous atteint en nous-mêmes, il n'y a rien qui arrive dans ces choses-là, de ce qui nous atteint de malheur, excepté que c'est écrit dans un livre avant même d'avoir créé l'échelle et la terre et toute chose, et que ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il donne des exemples de ce qui peut nous atteindre sur la terre ou bien en nous-mêmes, et il donne des exemples comme par exemple la sécheresse, la pluie, la faiblesse des plantes ou bien le manque de fruits, des choses comme ça. Et il dit en nous-mêmes qu'est-ce qui peut nous atteindre comme douleur, comme maladie, comme pauvreté et des difficultés de la vie. Tout ça c'est dans un livre, hein, c'est tout ça c'est écrit et ça c'est dans les tables préservées avant même que le monde soit créé. Tout ça c'était écrit déjà, hein, parce que Nabra'aha ça veut dire avant qu'on l'ait créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est Al-Bari', yani le créateur. Wa alaykum salam. Et Al-Bari', ça veut dire celui qui crée sans à partir de rien. Hein, à partir de rien, il crée tout ce qu'il veut. Inna zalika 'ala Allah yasir. C'est-à-dire que d'affirmer et d'écrire ça dans un livre, malgré que c'est des choses qui sont très grandes, tout ça c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez juste un livre de biologie ou un livre de chimie ou tout ça, combien de livres, combien de volumes, des volumes très épais que ça prend pour écrire tout ça. Alors imaginez écrire tout ce qui se passe et tout ce qui est dans la création. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, tout ça c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le cheikh il dit, والشاهد من الآية الكريمة أن فيها دليلا على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة، فهي دليل على مرتبتي العلم والكتابة. Donc la preuve qu'on retire de ce verset là, c'est la preuve de ces deux degrés là dont on a parlé, la connaissance et l'écriture de tout ce qui se produit dans la création, et le fait que Allah a tout créé, qu'est-ce qui se produit dans Al-Lawh Al-Mahfouz avant qu'elles aient été créées et avant qu'elles se produisent. Ensuite, le cheikh il dit: ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التقدير نوعان: تقدير عام شامل لكل كائن وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص وهو تفصيل للقدر العام، وهو ثلاثة أنواع: تقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. وهذا معنى قول الشيخ: هذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، ويكون في مواضع جملة وفي تقدير أي تقديرا عاما وهو المكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات، وتفصيلا أي تقديرا خاصا مفصلا للتقدير العام. أوكي. Donc maintenant le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a expliqué que il y a deux formes de destinée ou de prédestination, deux catégories ou deux sorte de prédestination, celle qui est générale et qui englobe tout ce qui existe, et on en a parlé avec les preuves et tout ça, dans qu'est-ce qu'on vient de lire, et c'est ça ce qui est écrit dans les tables préservées, Allah al-Mahfouz. Maintenant, il y a également une autre prédestination qui est des détails, ou bien les détails de cette prédestination-là, et ça, ces détails-là sont en trois catégories, sont de trois catégories. La prédestination de la vie, pour la vie d'une personne, okay, qui est reliée à sa vie, comme quand l'ange vient pour écrire dans le ventre de la mère la destinée de l'enfant. Il y a la prédestination annuelle, à chaque année, qui descend, et il y a la prédestination quotidienne. Ça, c'est les trois niveaux. Et on va les expliquer un petit peu plus en détail dans ce qui suit, Inch'Allah. Tandis que, comme le cheikh il dit que ça c'est la signification des paroles de Ibn Taymiyyah quand il dit que cette prédestination-là, la prédestination dans Allah al-Mahfouz, elle est reliée à sa connaissance, et parfois il y a une autre prédestination qui est plus détaillée. Donc, celle qui est générale, c'est celle qui est écrite dans Allah al-Mahfouz et qui englobe toutes les créatures, et celle qui est plus spécifique, c'est une prédestination plus détaillée et plus spécifique, et elles sont en trois degrés. التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه من أربع الكلمات رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. والتقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم الآية الرابعة من سورة الدخان. والتقدير اليومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من سورة الرحمن. Donc le cheikh il explique maintenant les trois catégories ou les trois sortes de prédestination qui sont plus spécifiques, et c'est premièrement la prédestination pour la vie d'une personne, et ça c'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Mas'ud as-Sadiq al-Masduq, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que après 120 jours, l'ange descend dans le ventre de la mère et il vient insouffler l'âme. Et après, Allah lui ordonne d'écrire quatre choses. D'écrire, comme on a dit tout à l'heure, son terme, combien de temps, son risque, sa subsistance, son terme, combien de temps il va vivre, qu'est-ce qu'il va faire comme action, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Ok, ça c'est les quatre choses qui sont écrites pour la vie de chaque être humain. Maintenant, il y a le deuxième, qui est une deuxième sorte de prédestination, celle qui est annuelle, et c'est la prédestination qui a rapport avec la nuit de la destinée. La nuit de la destinée dans Ramadan, Laylatul Qadr, et ça se produit chaque année. Et il mentionne le verset 4 dans la Sourate Ad-Dukhan, فيها يفرق كل أمر حكيم, c'est dans cette nuit-là que tous les commandements sages d'Allah subhanahu wa ta'ala sont déterminés. Ça c'est Sourate Ad-Dukhan. Ça s'appelle Ad-Dukhan, c'est la fumée. Ensuite, tu veux dire quelque chose, Rafi? Quatre mois. En fait, c'est 40 jours, parce qu'Allah il dit 40 jours nutfa ou mudra. Après 40 jours nutfa, et après 40 jours mudra. Alaqa. Alaqatan, 40 yawman alaqa. Thumma 40 yawman mudra, thumma 40 yawman yani alaqa. Alaqa, mudra, nutfa. Un des nutfa, c'est le premier, après c'est alaqa, et après c'est mudra. D'accord? Et, wa alaykum salam wa rahmatullah, et ces trois-là, c'est 40 jours, 3 fois 40, ça fait 120. Donc ça équivaut à 4 mois. 4 mois. Après 4 mois, l'ange vient souffler l'âme. Avant ça, il n'y a pas d'âme dans le fœtus. C'est juste à partir de ce temps-là que l'âme arrive dans le fœtus. Donc, oui, c'est ça. Et pour revenir à la troisième sorte de taqdir, c'est le taqdir qui est quotidien. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque jour, il a prédestiné qu'est-ce qui se produit pour chaque jour. Que ce soit la vie d'une personne ou la mort d'une personne, le fait qu'il élève certains et qu'il rabaisse d'autres, hein, tout ça, ça fait partie de la destinée d'Allah, de la prédestination quotidienne que Allah subhanahu wa ta'ala établit. Et il mentionne le verset 29 dans Sourate Ar-Rahman, Sourate Ar-Rahman, yani, c'est-à-dire qui dit كل يوم هو في شأن. Chaque jour, il fait certaines choses, yani, c'est-à-dire il fait mourir certains, il fait vivre d'autres, il élève certains, il rabaisse d'autres, etc. Tout ce qui se produit dans chaque journée a une prédestination plus particulière. Et il dit وعن ابن عباس رضي الله عنه إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفته من ياقوته حمراء وقلمه نور وكتابته نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 300 سنين. Ça c'est rapporté par Ibn Abdurrazzaq, Ibn al-Mundir, al-Tabarani et al-Hakim. Toutefois, je ne connais pas l'authenticité de ce hadith. C'est une parole attribuée à Abdullah ibn Abbas. Ce n'est pas un hadith, en fait. C'est une parole attribuée à Abdullah ibn Abbas, mais c'est une attar dont je ne connais pas l'authenticité. Donc, il faudra le vérifier. Ensuite, il dit, وَقَوْلُهُ فَهَذَا الْقَدَرِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانُهُ بنوعيه العام والخاص قد كان ينكره غلاة القدرية أي المبالغون في نفي القدر فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وغيره ويقولون إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه فالأمر أنف أي مستأنف لم تسبق في علم الله وتقديره وهؤلاء كفرهم الأئمة ولكنهم انقرضوا ولهذا قال شيخ الإسلام ومنكروه اليوم قليل وبقيت الفرقة التي تقر بالعلم ولكن تنفي دخول أفعال العباد في القدر وتزعم أنها مخلوقة مخلوقة لهم استقلالا لم يخلقها الله ولم يردها كما يأتي بيانه. Donc maintenant le cheikh il dit que cet aspect de la prédestination qu'on a expliqué maintenant, le fait que Allah a écrit et il a su toute chose et qu'il a écrit la prédestination générale et la prédestination détaillée, ça, les extrémistes parmi les Qadariyas, c'est-à-dire les premiers parmi les Qadariyas qui sont venus au début, eux, ils niaient ça complètement. Ils rejetaient ça. Et ils disaient quoi? Ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas su les choses avant qu'elles existent. Et il ne les a pas écrites dans l'étable préservée ou autre. Et ils disent que Allah ne sait pas qui va l'obéir et qui va le désobéir avant que les actions se produisent et que les choses sont faites comme ça, yani, sans qu'il y ait une connaissance et une prédestination. Et ceux-là, ces gens-là, les salafs, parmi les imams, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui ont suivi, ils les ont considérés comme étant des kuffars. Ils ne les ont pas considérés comme étant des musulmans parce qu'ils ont nié ces aspects-là. Ces deux points-là, ça, celui qui les a niés, il est kafir. Ça, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que Ibn Omar, hein, radiallahu anhu, le fils de Omar ibn Khattab, lorsque les tabi'in sont venus pour lui poser la question au sujet de Ma'bad al-Juhani, un parmi les Qadariya qui niait al-Qadar, ils sont venus pour lui dire, il y a des gens vers chez nous qui disent qu'ils utilisent le Coran et la Sunna et l'Islam, et ils prétendent qu'il n'y a pas de connaissance et qu'il n'y a pas de prédestination, hein, que toute chose se fait comme ça sans que Allah le sache et sans qu'il l'ait écrit. Et Abdullah ibn Omar, il a dit, dis-leur de ma part que je n'ai rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et dis-leur que s'ils donnent en sadaqa la quantité d'or comme la montagne de Uhud, Allah ne va rien accepter de ça tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mu'minines parce qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. D'accord? Et donc ça c'est les extrémistes parmi les Qadariyas. Toutefois, il y a d'autres parmi les gens de Bida qui ont d'autres problèmes sur Al-Qadar, autre que ces deux, autre que la négation de ces deux-là. Parce que ceux-là, ils n'existent plus presque aujourd'hui, on n'entend presque plus des gens qui nient ces deux points-là. Hein, tout le monde est d'accord parmi les musulmans, ceux qui se disent musulmans, que Allah sait tout et qu'il a tout écrit. Toutefois, il reste certains gens de Bid'a aujourd'hui qui nient les deux prochains ou les deux autres degrés de la foi en Al-Qadar, c'est-à-dire il nie que les actions des créatures, les actions qu'on fait, entrent dans la prédestination. Et il nie également que Allah, tout ce qui se produit dans l'univers, Allah l'a voulu d'une certaine façon. Donc il nie la volonté et il nie la création, le fait qu'Allah a créé. Et ça, c'est ceux qui restent aujourd'hui, et ceux-là, c'est parmi les gens de Bida, on va expliquer qui ils sont, ces groupes-là, ceux qui nient ça, c'est Al-Jabriya, puis Al-Asha'ira, et d'autres parmi des groupes de Bida également qui nient certains de ces aspects-là, de façon absolue, ou de façon totale, ou de façon partielle, on va voir les degrés selon... Voilà. Donc je pense qu'on doit s'arrêter ici. En tout cas, on va s'arrêter puis on continue ça la semaine prochaine, inchallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.